Chapitre 64e. Ce qui arriva à M. de Vauguyon, précepteur des enfants de France, le soir du mariage de Mgr le Dauphin. Les grands événements de l'histoire sont pour les romanciers ce que sont les montagnes gigantesques pour le voyageur. Il les regarde, il tourne autour d'elles, il les salue en passant, mais il ne les franchit pas. Ainsi allons-nous regarder, tourner et saluer cette cérémonie imposante du mariage de la Dauphine à Versailles. Le cérémonial de France est la seule chronique que nous devons consulter en pareil cas. Ce n'est pas en effet dans les splendeurs du Versailles de Louis XV, dans la description des habits de cour, des livrées, des ornements pontificaux, que notre histoire à nous, cette suivante modeste qui, par un chemin détourné, côtoie la grande route de l'histoire de France, trouverait à gagner quelque chose. Laissons s'achever la cérémonie au rayon du soleil ardent d'un beau jour de mai. Laissons les illustres conviés se retirer en silence et se raconter ou commenter les merveilles du spectacle auquel ils viennent d'assister. Et revenons à nos événements et à nos personnages à nous, lesquels, historiquement, ont bien une certaine valeur. Le roi, fatigué de la représentation et surtout du dîner, qui avait été long et calqué sur le cérémonial du dîner des noces de M. le Grand Dauphin, fils de Louis XIV, le roi se retira chez lui à 9 heures et congédia tout le monde, ne retenant que M. de la Vauguyon, précepteur des enfants de France. Ce duc, grand ami des jésuites, qu'il espérait ramener grâce au crédit de Madame du Barry, voyait une partie de sa tâche terminée par le mariage de M. le duc de Berry. Ce n'était pas la plus rude partie, car il restait encore à M. le précepteur des enfants de France à parfaire l'éducation de M. le comte de Provence et de M. le comte d'Artois, âgés à cette époque, l'un de 15 ans, l'autre de 13. Monsieur le comte de Provence était sournois et indompté. Monsieur le comte d'Artois étourdi et indomptable. Et puis le dauphin, outre ses bonnes qualités, qui le rendait un précieux élève, était dauphin, c'est-à-dire le premier personnage de France après le roi. Monsieur de la Vauguyon pouvait donc perdre gros en perdant sur un tel esprit l'influence que peut-être une femme allait conquérir. Le roi l'appelant à rester, Monsieur de la Vauguyon put croire que Sa Majesté comprenait cette perte et voulait l'en dédommager par quelques récompenses. Une éducation achevée, d'ordinaire, on gratifie le précepteur. Ce qui engagea M. le duc de la Vauguyon, homme très sensible, à redoubler de sensibilité. Pendant tout le dîner, il avait porté son mouchoir à ses yeux pour témoigner du regret que lui causait la perte de son élève. Une fois le dessert achevé, il avait sangloté, mais se trouvant enfin seul, il partait plus calme. L'appel du roi tira de nouveau le mouchoir de sa poche et les larmes de ses yeux. « Venez, mon pauvre la Vauguyon, » dit le roi, en s'établissant à l'aise dans une chaise longue. « Venez, que nous causions. »« Je suis aux ordres de votre majesté, » répondit le duc. « Asseyez-vous là, mon très cher, vous devez être fatigué. »« M'asseoir, sire ?»« Oui, là, sans façon, tenez. » Et Louis XV indiqua au duc un tabouret placé de telle manière que la lumière tombasse d'aplomb sur le visage du précepteur et laissasse dans l'ombre celui du roi. « Eh bien, cher duc, » dit Louis XV, « voilà une éducation faite. »« Oui, sire. » Et la Vauguyon soupira. « Belle éducation sur ma foi, » continua Louis XV. « Sa Majesté est trop bonne. » « Et qui vous fait bien de l'honneur, duc ?»« Sa Majesté me comble. »« Monsieur le Dauphin est, je crois, un des savants princes de l'Europe, je le crois, sire. » « Bon historien ?»« Très bon. » « Géographe parfait ?»« Sire, monsieur le dauphin dresse tout seul des cartes qu'un ingénieur ne ferait pas. »« Il tourne dans la perfection ?»« Ah, sire, le compliment revient à un autre. »« Et ce n'est pas moi qui lui ai appris cela. »« N'importe, il le sait. »« À merveille même. » »« Et l'horlogerie, hein ? Quelle dextérité !»« C'est prodigieux, sire. » »« Depuis 6 mois, toutes mes horloges courent les unes après les autres, » comme les 4 roues d'un carrosse sans pouvoir se rejoindre. Eh bien, c'est lui seul qui les règle. Ceci rentre dans la mécanique, sire, et je dois avouer encore que je n'y suis pour rien. Oui, mais les mathématiques, la navigation. Oh, par exemple, sire, voilà les sciences vers lesquelles j'ai toujours poussé monsieur le dauphin. Et il y est très fort. L'autre soir, je l'ai entendu parler avec monsieur de la Pérouse, de Grelin, de Auban, de Brigantine. Tout terme de marine, oui, sire. Il en parle comme Jean Bart. Le fait est qu'il y est très fort. C'est pourtant à vous qu'il doit tout cela. Votre Majesté me récompense bien au-delà de mes mérites en m'attribuant une part, si légère qu'elle soit, dans les avantages précieux que M. le Dauphin a tirés de l'étude. La vérité, duc, est que je crois que M. le Dauphin sera réellement un bon roi, un bon administrateur, un bon père de famille. À propos, M. le Duc, répéta le roi en appuyant sur ces mots. « Sera-t-il un bon père de famille ?»« Eh, messire, répondit naïvement M. de La Vauguyon, je présume que toutes les vertus étant en germe dans le cœur de M. le Dauphin, celle-là doit y être enfermée comme les autres. »« Vous ne me comprenez pas, duc, » dit Louis XV. « Je vous demande s'il sera un bon père de famille. »« Sire, je l'avoue, je ne comprends pas votre majesté. Dans quel sens me fait-elle cette question ?»« Mais dans le sens. Vous n'êtes pas sans avoir lu la Bible, monsieur le duc. » « Certainement, sire, je l'ai lu. »« Eh bien, vous connaissez les patriarches, n'est-ce pas ?»« Sans doute. Sera-t-il un bon patriarche ?» Monsieur de La Vauguyon regarda le roi comme s'il lui parlait hébreu, et tournant son chapeau entre ses mains. « Sire, répondit-il, un grand roi est tout ce qu'il veut. »« Pardon, monsieur le duc, insista le roi, je vois que nous ne nous entendons pas très bien. »« Sire, je fais cependant de mon mieux. » »« Enfin, dit le roi, je vais parler plus clairement. » « Voyons, vous connaissez le dauphin comme votre enfant, n'est-ce pas ?»« Oh, certes, sire. Ses goûts, oui. Ses passions. »« Oh, quant à ses passions, sire, c'est autre chose. Monseigneur en eût-il eu que je les eusse extirpées radicalement. Mais je n'ai pas eu cette peine, heureusement. Monseigneur est sans passion. »« Vous avez dit heureusement ?»« Sire, n'est-ce pas un bonheur ?»« Ainsi, il n'en a pas. »« De passion, non, sire. »« Pas une. »« Pas une, j'en réponds. » »« Eh bien, voilà justement ce que je redoutais. » Le dauphin sera un très bon roi, un très bon administrateur, mais il ne sera jamais un bon patriarche. Hélas, sire, vous ne m'avez aucunement recommandé de pousser monsieur le dauphin au patriarcat. C'est un tort que j'ai eu. J'aurais dû songer qu'il se marierait un jour. Mais bien qu'il n'ait point de passion, vous ne le condamnez point tout à fait. Comment ? Je veux dire que vous ne le jugez point capable d'en avoir un jour. Sire, j'ai peur. Comment vous avez peur ? En vérité, dit lamentablement le pauvre duc. « Votre Majesté me met au supplice. »« Monsieur de La Vauguyon, » s'écria le roi qui commença à s'impatienter, « je vous demande clairement si avec passion ou sans passion, monsieur le duc de Berry sera un bon époux. Je laisse de côté la qualification de père de famille et j'abandonne le patriarche. »« Eh bien, sire, voilà ce que je ne saurais précisément dire à votre Majesté. »« Comment ? Voilà ce que vous sauriez me dire. »« Non, sans doute, car je ne le sais pas, moi. » « Vous ne le savez pas !» s'écria Louis XV avec une stupéfaction qui fit osciller la perruque sur le chef de M. de La Vauguyon. « Sire, M. le duc de Berry vivait sous le toit de votre majesté, dans l'innocence de l'enfant qui étudie. »« Eh, monsieur, cet enfant n'étudie plus, il se marie. »« Sire, j'étais le précepteur de monseigneur. »« Justement, monsieur, il fallait donc lui apprendre tout ce qu'il doit savoir. » Louis XV se renversa dans son fauteuil en haussant les épaules. « Je m'en doutais !» ajouta-t-il avec un soupir. « Mon Dieu, sire, vous savez l'histoire de France, n'est-ce pas, monsieur de La Vauguyon ?»« Sire, je l'ai toujours cru, et je continuerai même de le croire, à moins toutefois que votre majesté ne me dise le contraire. »« Eh bien alors, vous devez savoir ce qui m'est arrivé, à moi, la veille de mes noces. »« Non, sire, je ne le sais pas. »« Ah, mon Dieu, mais vous ne savez donc rien. »« Si votre majesté voulait m'apprendre ce point qui m'est resté inconnu, écoutez. » et que ceci vous serve de leçon pour mes deux autres petits-fils, duc. J'écoute, sire. Moi aussi, j'avais été élevé comme vous avez élevé le dauphin, sous le toit de mon grand-père. J'avais monsieur de Villeroy, un brave homme, mais un très brave homme, tout comme vous, duc. Oh, s'il me laissait plus souvent dans la société de mon oncle le régent. Mais non, l'innocence de l'étude, comme vous dites, duc, m'avait fait négliger l'étude de l'innocence. Cependant, je me mariais, et quand un roi se marie, monsieur le duc, c'est sérieux pour le monde. Oh oui, sire, je commence à comprendre. En vérité, c'est bien heureux. Je continue donc. Monsieur le cardinal me fit sonder sur mes dispositions au patriarcat. Mes dispositions étaient parfaitement nulles, et j'étais là-dessus d'une candeur à faire craindre que le royaume de France ne tombât en quenouille. Heureusement, monsieur le cardinal consulta monsieur de Richelieu là-dessus. C'était délicat. Mais monsieur de Richelieu était un grand maître en pareille matière. Monsieur de Richelieu eut une idée lumineuse. Il y avait une demoiselle Lemort, ou Lemour, je ne sais plus trop, laquelle faisait des tableaux admirables. On lui commanda une série de scènes, vous comprenez ? Non, sire. Comment dirais-je cela ? Des scènes champêtres ? Dans le genre des tableaux de Teniers, alors ? Mieux que cela, primitives. Primitives. Naturelles. Je crois que j'ai enfin trouvé le mot, vous comprenez cette fois ? Comment ? S'écria monsieur de La Vauguyon, rougissant, on nous a présenté à votre majesté. Et qui vous parle de me présenter quelque chose, duc ? Mais pour que votre majesté pût voir, il fallait bien que ma majesté regardât, voilà tout. Eh bien, j'ai regardé. Et comme l'homme est essentiellement imitateur, j'ai imité. Certainement, sire, le moyen est ingénieux, certain, excellent, quoique dangereux pour un jeune homme. Le roi regarda le duc de la Vauguyon avec ce sourire que l'on eût appelé cynique s'il n'eût glissé sur la bouche la plus spirituelle du monde. Laissons le danger pour aujourd'hui, et revenons à ce qu'il nous reste à faire. Ah, le savez-vous? Non, sire, et votre majesté me rendra bien heureux en me l'apprenant. Eh bien, le voici. Vous allez trouver monsieur le dauphin qui reçoit les derniers compliments des hommes, tandis que madame la dauphine reçoit les derniers compliments des femmes. Oui, sire. Vous vous munirez d'un bougeoir, et vous prendrez monsieur le dauphin à part. Oui, sire. Vous indiquerez à votre élève, le roi appuya sur les deux mots, vous indiquerez à votre élève que sa chambre est située au bout du corridor 9, dont personne n'a la clé, sire. Parce que je la gardais, monsieur. Je prévoyais ce qui arrive aujourd'hui. Voici cette clé. Monsieur de la Vauguyon la prit en tremblant. Je veux bien vous dire à vous, monsieur le duc, continua le roi, que cette galerie renferme une vingtaine de tableaux que j'ai fait placer là. Ah, sire, oui, oui. Oui, monsieur le duc. Vous embrasserez votre élève, vous lui ouvrirez la porte du corridor, vous lui mettrez le bougeoir à la main, vous lui souhaiterez le bonsoir, et vous lui direz qu'il doit mettre 20 minutes à gagner la porte de sa chambre, 1 minute par tableau. Ah, sire, je comprends. C'est heureux. Bonsoir, monsieur de la Vauguyon. Votre majesté a la bonté de m'excuser. Mais je ne sais pas trop, car sans moi, vous eussiez fait de belles choses dans ma famille. La porte se referma sur monsieur le gouverneur. Le roi se servit de sa sonnette particulière. Lebel parut. « Mon café, » dit le roi. « À propos, Lebel, sire, quand vous m'aurez donné mon café, vous irez derrière monsieur de la Vauguyon, qui sort pour présenter ses devoirs à monsieur le dauphin. J'y vais, sire. Mais attendez donc, que je vous apprenne pourquoi vous y allez. » C'est vrai, sire. Mais mon empressement à obéir à sa majesté est tel. Très bien. Vous suivrez donc monsieur de la Vauguyon. Oui, sire. Il est si troublé, si chagrin, que je crains son attendrissement pour monsieur le dauphin. Et que dois-je faire, sire, s'il s'attendrit? Rien. Vous viendrez me le dire, voilà tout. Lebel déposa le café auprès du roi, qui se mit à le savourer lentement. Puis le valet de chambre historique sortit. Un quart d'heure après, il reparut. « Eh bien, Lebel, » demanda le roi. « Sire, monsieur de la Vauguyon a été jusqu'au corridor 9, tenant monseigneur par le bras. Bien, après. » Il ne semblait pas fort attendri, bien au contraire. Il roulait de petits yeux tout égrillards. Bon, après, il a tiré une clé de sa poche, l'a donnée à monsieur le dauphin, qui a ouvert la porte et a mis le pied dans le corridor. Ensuite, monsieur le duc a fait passer son bougeoir dans la main de monseigneur et lui a dit tout bas, mais pas si bas que je n'ai pu l'entendre, « Monseigneur, la chambre nuptiale est au bout de cette galerie dont je viens de vous remettre la clé. Le roi désire que vous mettiez 20 minutes à arriver à cette chambre. « Comment ? » a dit le prince. « 20 minutes, mais il faut 20 secondes à peine. « Monseigneur, » a répondu monsieur de la Vauguyon, « ici expire mon autorité. Je n'ai plus de leçons à vous donner. » Mais un dernier conseil. Regardez bien les murailles à droite et à gauche de cette galerie, et je réponds à son Altesse qu'elle trouvera le temps d'employer ses 20 minutes. Pas mal. Alors, sire, monsieur de la Vauguyon a fait un grand salut, toujours accompagné de regards fort allumés, qui semblaient vouloir pénétrer dans le corridor. Puis il a laissé monseigneur à la porte. Et monseigneur est entré, je suppose. Tenez, sire, voyez la lumière dans la galerie. Il y a au moins un quart d'heure qu'elle s'y promène. « Allons, allons, elle disparaît, » dit le roi après quelques instants passés, les yeux levés sur les vitres. « À moi aussi, on m'avait donné 20 minutes. Mais je me rappelle qu'au bout de 5, j'étais chez ma femme. Hélas, dira-t-on de monsieur le dauphin ce qu'on disait du second Racine? C'est le petit-fils d'un grand-père. »